Vous me mère. Oh. Le voilà donc. Ce cœur si sûr de lui-même. Oh, faible créature. Pourquoi m'as-tu défié, Hoffmann? Eh bien, ma belle, qu'en faites-vous maintenant? Je te l'abandonne. Et que diable avez-vous, mon cher monsieur? Vous êtes d'une pâleur mortelle. Moi? Regardez-vous plutôt dans cette glace. La belle enfant vous aura pris votre reflet. Mon reflet? Suis-je dans les jouets de l'enfer? Consolez-vous-en. Giulietta vous dédommagera avec usure. Mais vous ne savez donc pas que je viens de tuer un homme et qu'il m'est faut fuir à l'instant. Ne pouvez-vous remettre votre départ à demain? Non. J'ai un ami qui veut à toute force m'enlever d'ici. Bon. Voilà qu'il en dormira pour quelques heures. Qu'est-ce que cela? Un breuvage délicieux, mon cher, grâce auquel votre ami Niklos vous laissera jouir en paix de votre bonne fortune. Que vais-je faire? Ce breuvage. Oh, je me sens glisser malgré moi sur une pente rapide où je ne puis m'arrêter. Qui vient là? Niklos? Non. J'ai peur. Par ici, madame. Par ici. Parti. C'est bien. Le reste ne me regarde plus.